boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Une nouvelle fois votre Pop and Rock. Alors bien sûr, rien de bien nouveau avec leur douce, mais quand l'énergie est là, il ne faut jamais la brider. Div sera donc encore invité dans les playlists de Pop and Rock sur la très locale RVR. Mais à présent, prenons un peu d'avance et découvrons The Cribs, qui en janvier 2026 sortiront Selling Vibes, dont nous profitons en avance avec le Summer Caesar. Fashion wears out fast, just like the good times that never last. Keep the book shut, keep him coming back. Summer seizures, wish I knew ya. Falling fixtures, wish I knew ya. Ce soir, on va se la jouer nouveauté, mais on retrouvera bien évidemment quelques habitués. Côté nouveauté, on va se lancer vers Molotov et autres Duritchie Collins, mais avant tout, pour fêter la sortie du film Autour des Cures, voici John Nodron, issu du dernier opus des Cures, qui sera au cœur du film The Show of the Lost World, qui sortira très vite. We'll be right back.

the sitting room, danger in the kitchen if everybody's talking. Is anybody listening? The bills keep coming, so the pills keep coming. The bills keep coming, so the pills keep coming. The bills keep coming, so the pills keep coming. The bills keep coming, so the pills keep coming. There's a bang bang on the door. She's not waiting for the man anymore. He knows her well, she'll take what she can. It's all about the non-stop blah blah blah. It's all about the job, watch, house and car. It's all about the finding a new witch. You better scratch until it scars. All about the coveting of clout. It's all about the sun out with the crowd. It's all about the hand wringing while swinging between confidence and comme vous l'indiquez tout à l'heure, la voix off. En effet, ce soir, on se fait un petit plaisir avec les Clockworks. Staring us together, landed into the ground. How am I trying to be clever when the ceiling's around? And I cannot tell whether it's the meaning of sound. But the words are rushing my mouth. Try calling out for help, he was on the other line. While time was running for his head, James Hunter's in with a sigh. Says, I found an off the shelf identity you should buy. So I woke and what you can buy. Pasadena. The only difference is the context of the agony. Pills, blablabla, et à l'instant le Modern City Living, les Clockworks existent depuis seulement 2023 mais jouent comme des grands. Énergie, mélodie, présence sur scène, hey, les Fontaines DC ont trouvé à qui parler. Les Molotov sortent tout juste la tête du rock anglais et Molotov va sortir le 30 janvier prochain son premier album. Mais Pop and Rock a déjà quelques titres pour vous. a Sunday, and I don't really know what I did last night, but I'm sure that it was a shit show. And if I found out, it would give me a fright. So one, two, three, four, you're down, I never shut. I think I'm cool, but I am really not. Five, six, seven, you ask me, am I sure? But I don't really care now. More, more, more. C'était The Molotovs avec Ice à la basse et son frangin Matthew à la guitare et au chant. Futur grand ou juste feu de paille, à vous de dire. You change destination. They keep the same direction. But you're feeling safe, unsure, I'm malnourished. I keep it to yourself. Is it just your problem? Or is it hard as well? So what's the point of what's the difference? As in heaven and hell. So keep on fighting, keep on marching, keep sticking it to you. Cause what happens when I'm 42? I'm concerned and that's the truth. So whoa, there's no waiting for tomorrow. You got to keep up, mister, or you gotta fall behind. Cause we're the young generation, one of a kind. You talk of unity in this divided world, but I'm not trying to preach the nation or be misheard. So don't stop talking, don't stop listening. I don't wanna be the same. Cause life seems to be on a board and we're gonna change the game. So wait, today's gonna be our day. Whoa, there's no waiting for tomorrow. Wait, today's gonna be our day. After all, climate change, what is such to blame? So what you gonna do? We're sat here waiting to make a move. Oh, we are so great. Strike while the iron's hot, so we'll be late. We'll be I'm dans mon Rock'n Folk de décembre, j'apprends que les Stray Cats, oui, les Stray Cats, essayent de revenir nous faire secouer les neurones. Mais une maladie contrariante empêchera visiblement Brian Setzer de venir jouer avec nous. Alors, point de nouveau titre ce soir dans Pop and Rock des Stray Cats, mais une petite pensée vers le Brian avec un vieux, très, très, très vieux titre. Simon Scardanelli a comme point commun avec les Stray Cats, en fait pas grand chose, si ce n'est sa longévité. Découvert dans Pop and Rock récemment, il fait l'unanimité à la maison. Alors, let's go Simon! Days, weeks or months can pass, it's all the same. And if the world had stopped, I'd never know it was just 5 seconds ago. Go last year. Last year, the table that I set for you has gone. And paper hearts now bleed for one. Never stood a chance, it was decided. Out of my hands, all change, make other plans that do not include me. It was just 5 seconds ago. 5 seconds ago. 5 seconds ago last year. How can it only be just 5 seconds ago? 5 seconds ago. 5 seconds ago last year. Si vous avez aimé ce 5 Seconds Ago Last Year, foncez sur Otherness The Singing Tree, le dernier album de Simon Scardinelli. Vous passerez 48 minutes de bonheur. Sinon, restez avec nous pour découvrir à présent The Juicy Column. Thank you. légèreté instrumentale, rafraîchissement, richesse multiple, c'est en 2026 que The Jewelry Column réédite The Return of the Jewelry Column. Nous on valide, mais si vous n'aimez pas les instrumentaux, peut-être préférerez-vous les ondes alaskiennes de Portugal de Maine. Issu du 10e album de Portugal de Maine, Chiche, qui risque de vous surprendre par son côté énervé. Portugal de Maine capable de jouer dans un même titre la douceur et la violence, ou même d'abandonner toute douceur comme dans leur Pitman Raiders. Mais nous, dans Pop and Rock, on préfère leur douceur. Maybe it's the world come blind. The treasure, truth for a lie, night for a lie. Little birdie told me nobody's born, nobody gone by. Don't see the smoke, you won't see what's coming. seul français du soir, Ben Lejeune, va clôturer dans la langue de Shakespeare votre 340e Pop and Rock. C'est la fin et n'oubliez pas, si vous avez aimé les artistes que nous programmons dans Pop and Rock les lundis soirs et les jeudis soirs, retrouvez-nous sur la page Facebook de Pop and Rock sur RVR. Vous y retrouverez nos artistes, notamment The Molotovs, Divs, les Creeds, les Cure bien sûr, les Depeche Mode, Clockworks. Bien évidemment, vous y retrouverez également les Stray Cats, Simon Scardanelli et autres Portugal Domain. Mais ce soir, on se quitte avec un dernier morceau de Ben Lejeune. Sur ce, ho ho, bon vent à tous.